légères comme le vent, nos vies en noir et blanc, puis rien ne sera comme avant. Dedans d'une vie à genoux.